à tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 27 septembre 2022. Voici les grands titres de cette édition. Un sommet d'affaires Nigeria-Burundi se tient à Bujumbura depuis ce mardi. La ministre en charge du commerce a exprimé le souhait de voir se développer le partenariat public-privé à travers des actions concrètes. Vous l'entendrez. Un policier blessé et un civil arrêté. C'est le bilan des échauffourées éclatées au site de distribution des moustiquaires CIS au lycée communal urbain de Rumonge du quartier Mugomere de cette ville de Rumonge. Et dans la chronique santé, nous évoquerons l'obésité avec Dr Jean-Claude Chishahai. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. La problématique des infrastructures d'industrialisation et l'insuffisance de l'énergie, ce sont des défis qui hantent un bon nombre de pays africains, dont le Burundi et le Nigeria. Lors de l'ouverture du sommet d'affaires Nigeria-Burundi ce mardi, la ministre en charge du commerce a souhaité à cet effet que le partenariat public-privé se développe à travers des actions concrètes. La ministre Marie-Chantal Nijimbere espère que ce forum économique va renforcer la coopération bilatérale. Suivez-la. Ce forum économique est une plateforme offerte à nous tous pour renforcer la coopération bilatérale et pour explorer les opportunités d'investissement existantes au Burundi et au Nigeria sous le thème développement économique à travers le secteur privé africain d'investissement. Ce forum se tient au moment opportun car, comme vous le savez, dans le but d'accélérer l'intégration économique du continent, les États membres de l'Afrique ont officiellement lancé au cours du sommet de Niamey le 7 juillet dernier, la zone de libre-échange continentale, étape décisive dans la marche du continent vers la mise en œuvre de la communauté économique africaine. Cet espace économique, commercial et continental en devenir offrira de réels débouchés de croissance pour les entreprises locales et étrangères investissant en Afrique. L'intégration effective de nos États membres de la ZEDECAF ne sera effective que si nos relations bilatérales et multilatérales s'adaptent résolument aux priorités de nos États respectifs et se matérialise en des projets phares contenus dans les programmes nationaux de développement. La problématique des infrastructures, de l'interconnexion, d'industrialisation, d'insuffisance énergétique sont des défis presque connus et communs à bon nombre de pays africains, dont le Burundi et le Nigeria, alors qu'ils constituent des domaines prioritaires et moteurs de croissance économique. C'est de là que le partenariat public-privé devrait se développer à travers des projets et actions concrètes. Par ailleurs, le plan national de développement du Burundi allant de 2018 à 2027, et de même que la politique nationale d'industrialisation, ont déjà tracé la lignée en mettant en exergue des projets phares et des domaines essentiels sur lesquels nous et nos partenaires respectifs devrions axer nos actions. Il est donc urgent de réorienter nos partenariats en partenariats stratégiques, gagnant-gagnant, à même d'accélérer la diversification de nos économies et favoriser la création de l'emploi durable pour le bien-être de nos populations respectives. Marie Chantal Nijimbere, la ministre en charge du commerce. Les prédications de certaines églises constituent une barrière à la sensibilisation sur les méthodes contraceptives. Lors d'un panel avec les parties prenantes ce 26 septembre destiné à la journée mondiale de la contraception, Cheikh Boukourou Khalfan, un des panélistes, a affirmé que les mariages polygames chez les musulmans ne peuvent pas être considérés comme un défi, estimant que le recours à la contraception est une décision personnelle. Et pour cela, il appelle les confessions religieuses à donner des enseignements qui ne déroutent pas leurs adeptes. Suivez-les. C'est vrai, les religions, les croyances font une barrière au niveau de la contraception ici au Burundi, même ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui interprètent mal les textes islamiques. Ici, j'en cite un exemple où le prophète Mohammed a dit « Procréez-vous, je m'en réjouirai de votre nombre le jour de la résurrection. » Là, les hommes ont mal compris cette assertion parce qu'il y a d'autres traditions du prophète qui soutiennent la question de planning familial ou bien de l'espacement des naissances. Ici, je cite l'exemple où il y a un cas où la famille a donné des naissances dans une même année. Et le prophète Mohammed sallam a dit il faut dorénavant commencer les pratiques des persans, qui est le coït interrompu. À ce titre-là aussi, j'en cite un autre exemple où les disciples du prophète Mohammed sallam ont dit nous avons pratiqué le coït interrompu même pendant la révélation. Ce qui prouve que la question de la contraception, la question du planning familial a été pratiquée. Dites-en des prophètes, il y a environ 1400 ans. Donc, les leaders religieux qui continuent toujours à nier cette pratique de l'espacement des naissances, je ne vois pas où en tirer exactement ces enseignements, mais il faut quand même qu'il y ait des interprétations beaucoup plus correcte des textes religieux. Mais le mariage pur d'une femme sera autorisé par le Coran pour les musulmans, n'est-ce pas, Ndafi? Exactement. Le mariage pur d'une femme est autorisé par le Coran, mais se marier à une ou deux ou trois ou quatre femmes, c'est une décision personnelle. Mais si dans le Coran, dans le Sourate An-Nisa, c'est-à-dire chapitre 3, verset numéro 1, Dieu a dit, mariez-vous à deux, trois ou quatre femmes. Si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, mariez à une seule femme. Ce qui veut dire que se marier à une femme n'est pas aussi un péché. Si vous décidez de vous marier à une femme, c'est qu'il y a un péché, mais aussi c'est la meilleure pratique. Il y a des pays où on a interdit le mariage à polygame. On peut citer par exemple la Tunisie, on peut citer par exemple le Maroc, mais ce sont des pays en majorité musulmans. On a interdit le mariage à polygame. Donc je pense que aussi d'autres pays peuvent emboîter le pas pour qu'ils puissent exactement améliorer cette pratique. Cheikh Boukourou Khalfan, un des panélistes hier à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. Le pont reliant les collines Ruvumera et Kabo de la commune Nyanzalak dans la province de Makamba n'est plus praticable pour les véhicules depuis au moins une année en raison de son mauvais état. Le chef de colline Ruvumera fait savoir que les travaux de sa réhabilitation vont bientôt commencer ce mois d'octobre. Élise Cuisera. Ce pont dont on parle relie les collines de Ruvumera et Kabo de la commune Nyanzalak dans la province de Makamba. Ceux qui souffrent beaucoup de problèmes relatifs sont surtout les habitants de la colline Ruvumera qui disent que ce pont est dans un état critique et n'est plus praticable pour des véhicules, et cela depuis au moins une année. Parmi les problèmes qu'ils rencontrent, ils disent que les véhicules sont actuellement obligés de passer par Muyange, Mukubano et Kavungerezi, ce qui fait que même l'ambulance puisse arriver tardivement quand il y a des patients à transférer du centre de santé de Ruvumera vers l'hôpital de Nyanzalak. En outre, ils disent n'avoir pas de choix car ils se déplacent en moto, payant 5000 francs pour un trajet qui coûterait entre 1500 francs et 2000 francs en taxi ou en tuk-tuk. Vu l'importance de ce pont, ils demandent que ce dernier soit réhabilité pour leur venir en aide. Le chef de la colline Ruvumera, Onesime Ndirikirenza, indique que les travaux de réhabilitation vont bientôt commencer au mois prochain d'octobre et que la commune leur a déjà promis des planches qu'ils vont utiliser. Depuis Makamba, Élisée Kwizera pour la radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, l'école technique de Wubanza compte plus de 1000 élèves internes avec 200 matelas seulement, dont 145 obtenus ce lundi. Actuellement, environ 400 élèves ont des problèmes de logement. Un peu plus de 300 matelas ont été donnés ce lundi à 5 écoles secondaires à régime d'internat en province Wubanza. Une quantité très loin de suffire au regard des besoins. Les parents demandent aux autres bienfaiteurs d'intervenir. Spécialitas Kabanyana. Les élèves internes à l'école technique ETB Wubanza se comptent à 1196 élèves. Ils avaient auparavant 57 matelas seulement selon les données disponibles à la direction provinciale de l'enseignement. Et ce lundi, l'école a obtenu 145 nouveaux matelas. Les élèves qui manquent encore des matelas se comptent autour de 400 à cette école. Certains s'arrangent pour dormir et ceux qui le peuvent en achètent. À l'État Gihanga, c'est 110 matelas, dont 60 obtenus ce lundi pour 435 élèves internes. Et au lycée Bukinga, 551 élèves internes se partagent 157 matelas, dont 80 nouveaux matelas reçus ce lundi, selon les données obtenues à la direction provinciale de l'enseignement. Sur toutes ces écoles à régime d'internat, il se manifeste un manque criant de matelas, même s'il y en a, qui ont été distribués à 5 écoles à régime d'internat ce lundi, un total de 320 matelas donnés par l'Association des natifs de la province de Wubanza, l'ambassade de Chine et la société Vietel, selon la direction provinciale de l'enseignement. Les parents, de même que certains éducateurs contactés, apprécient cette bonne action et demandent aux autres bienfaiteurs d'intervenir encore afin de pouvoir bien loger tous les élèves internes. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Spécialitas Kabanyana. Place maintenant à la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé dans le titre, nous parlons de l'obésité qui est une accumulation excessive de graisse, comme l'explique Dr Jean-Claude Tishahayo. Il distingue l'obésité gynoïde, caractérisée par l'excès de graisse au niveau des cuisses, et l'obésité androïde, lorsque l'excès de graisse se situe principalement au niveau du ventre. Selon Dr Jean-Claude Tishahayo, la transpiration excessive et une faiblesse respiratoire sont parmi les signes d'obésité chez une personne. Ornella Mucho. L'obésité est une maladie liée à l'augmentation des graisses et du poids de façon anormale. Docteur Jean-Claude Tishahayo ajoute qu'un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et dépensées est la cause de l'obésité et du surpoids, à part que ça peut être aussi héréditaire. Normalement, l'obésité est classée en deux catégories. Il y a une obésité qu'on appelle constitutionnelle. Là, c'est lié à la génétique. Et il y a une obésité aussi qu'on appelle métabolique liée à un déséquilibre alimentaire. Donc, quelqu'un mange au-delà de ses moyens de métabolisme organique. Par conséquent, pour l'obésité constitutionnelle, une personne est née avec des cellules adipeuses nombreuses par rapport à une personne normale. Et pour l'obésité métabolique, c'est surtout lié au mode de vie des gens. Il y a une certaine sédentarité, il y a absence d'activité physique, il y a consommation exagérée d'aliments à haute densité énergétique. Le diagnostic de surpoids et d'obésité repose sur l'indice de masse corporelle. On doit prendre sa taille et son poids et on calcule ce qu'on appelle indice de masse corporelle et qui est un résultat du poids en kilogrammes sur la taille mesurée en mètres élevé au carré. Quand on est situé entre 25 et 30, là on est classé parmi les gens en surpoids. Quand on est maintenant entre 30 et 35, on est dans la catégorie des obèses et même jusqu'au-delà de 40, on est dans la catégorie des obèses. Et l'obésité est considérée comme modérée si on a un IMC entre 30 et 35, et obésité sévère entre 35 et 40, et obésité morbide ou cliniquement sévère, c'est au-delà de 40. Un IMC situé au-delà de 40, on est dans la catégorie d'une obésité cliniquement sévère. Le tour de taille peut être également mesuré. Et aussi, on doit prendre ce qu'on appelle le tour de la taille, qui renseigne sur la distribution des graisses au niveau des viscères abdominales. Et là aussi, il y a un chiffre sur lequel on doit travailler. Si c'est au-delà de 80 cm chez la femme, on va dire qu'il est parmi les obèses. Si c'est au-delà de 94 cm chez les hommes, on dira qu'il est parmi les obèses. Les personnes qui prennent du poids facilement peuvent être obèses si elles consomment excessivement des aliments riches en calories. Je ne dirais pas qu'il y a des groupes, mais si les gens prennent des habitudes de rester assis tout le temps, ils constituent déjà un groupe cible. Et les autres, ce sont ces gens-là qui naissent avec des cellules adipeuses nombreuses. Et là, c'est un peu difficile de les repérer dès le bas âge. Dans notre prochaine chronique santé, Dr Jean-Claude Tishahayo parlera des moyens de prévention contre l'obésité. Merci Ornella Mucho, merci Dr Jean-Claude. En bref, en actualité nationale et internationale, un policier blessé en civil arrêté, tel est le bilan des échauffourées éclatées au site de distribution des moustiquaires. Six au lycée communal urbain de Lumongue du quartier Mugomere de la ville de Lumongue, c'était vers 10h ce mardi. Des témoins sur place indiquent que la personne arrêtée s'est défendue et demande à la justice l'impartialité dans cette affaire. Le chef de zone Lumongue rencontré sur place s'est gardé de tout commentaire expliquant qu'il enquête encore sur le cas. En ligne de Lumongue, Jean-Pierre Misako. À notre arrivée sur place à 10h10, les habitants à la recherche des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action auxquelles s'étaient joints certains des écoliers et élèves du lycée communal urbain où se trouve un site de distribution des moustiquaires pour les habitants des quartiers Mugomere-Guihuanya s'attroupaient autour d'un policier blessé à l'œil gauche et un homme tenu à la ceinture par le chef de secteur Guihuanya l'accusant d'avoir blessé le dit policier. Le chef de secteur Guihuanya nous a renvoyé aux gens qui étaient à l'extérieur de la salle de classe réquisitionnée pour cela, arguant qu'il était à l'intérieur et qu'il n'a pas assisté au début de ces heures. Des témoins qui se sont exprimés disent que l'origine de ces heures est son policier qui a ordonné cet homme en attente d'être servi en moustiquaire de dégager le passage par coup de matraque. Un autre policier intervenu, au lieu d'apaiser la tension, s'est lui aussi mis à battre à coup de matraque et a blessé son compagnon d'armes face à l'autodéfense de cet homme. Certains des habitants qui étaient sur place sont intervenus et ont empêché ce policier blessé qui avait déjà armé son fusil de tirer sur la population. Ils l'ont surveillé jusqu'à l'arrivée d'une intervention policière partie avec l'homme arrêté, l'accusant d'avoir voulu désarmer un policier, ce qui n'a pas plu aux témoins sur place qui voudraient être interrogés pour que la vérité éclate au grand jour. Cette distribution de moustiquaires à l'origine de ces échauffourées à Mougomeré devrait être clôturée le 25 septembre courant et a été émaillée de plusieurs irrégularités selon des gens qui viennent de passer plus d'une semaine sans être servi, rencontré sur place, qui demande d'être régularisé. Le chef de zone Rumongue, intervenu, a refusé de s'exprimer sur le cas, arguant qu'il y enquêtait là où il s'était retranché, entouré des chefs de quartier Mugomere-Gihwanya. Jean-Pierre Misago depuis Mugomere, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Alors que le monde célèbre ce mardi la journée du tourisme, la réserve naturelle forestière de Bururi qui héberge des chimpanzés et d'autres produits touristiques à vendre passe aujourd'hui plus d'un mois sans aucun visiteur. Jérôme Nishishikare, conservateur responsable de cette aire protégée qui le dit, appelle les Burundais à d'abord aimer et visiter ce site touristique pour ensuite publier les produits qui s'y trouvent afin d'attirer les touristes étrangers. Il souhaite également que d'autres sites touristiques contre la province de Bururi soient aménagés. En international, la décision du gouvernement japonais d'organiser ce mardi 27 septembre des funérailles nationales pour Shinzo Abe, l'ancien premier ministre assassiné en juillet, suscite de vives critiques au Japon, d'abord en raison de son coût estimé à 12 millions d'euros, mais sans doute deux à trois fois plus élevé en réalité. Il est également rarissime qu'un premier ministre bénéficie d'un tel hommage. Le seul précédent depuis l'après-guerre remonte à 1967. Au Japon, les obsèques nationales sont en effet réservées aux empereurs. Ensuite, son assassin, Tetsuya Yamagami, le 8 juillet à Nara, accusait l'ancien premier ministre de soutenir l'église de l'unification connue sous le nom de secte Moon. Il haïssait ce groupe religieux qui avait endoctriné, ruiné sa mère et détruit sa famille. Une centaine de dignitaires étrangers participent à cette cérémonie dont la vice-présidente américaine Kamala Harris et l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Et plus proche de chez nous, la 8e conférence annuelle de l'Association panafricaine de lutte antivectorielle, réunie jusqu'à jeudi 29 septembre dans la capitale rwandaise Kigali, quelques 500 scientifiques de plus de 50 pays du continent pour éradiquer le paludisme, la maladie qui tue en Afrique plus qu'ailleurs. Une conférence qui intervient alors que les appels à mobiliser les financements promis par le Fonds mondial se multiplient. Il est 13h13 à Bujumbura et sur l'Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Thank you.